Ouais, les 4h du mat sur Énergie, on est vendredi, bon réveil. Ouais, visiblement, c'est comme nous, hein, faites pas le pont. Allez, courage. Calvin Harris, ce matin dans la playlist Énergie, on sait aussi le meilleur de Mickaël, le meilleur du Rico Show, le meilleur de Koé, le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil, les 4h. Are you drunk enough? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Sur Énergie, on est vendredi. Bon réveil tout le monde. J'espère que ça va ce matin, que vous avez tous bien dormi. Voilà, que le petit break d'hier pour certains c'est bien passé. On va écouter Vita avec Slimane dans la playlist Énergie. Il y aura aussi David Guetta et Benny Blanco. Et pour attaquer la journée, on se marre un petit peu avec le meilleur de Mickaël sur Énergie, 23h le soir en direct. Et le matin, on best-of sur Énergie. Bon, allez hop, on va prendre Iliès qui est avec nous à Lyon. Salut Iliès. Salut tout le monde. Salut, comment vas-tu? Ah bah super bien, et vous? Bah super aussi, Iliès. Alors Iliès, jeu du perroquet maintenant, ouais. Le principe est simple, tu vas donc choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas tenter d'affronter évidemment, et que tu vas tenter de battre bien sûr. Alors, tu veux tenter de battre qui? Tu veux donc jouer contre qui? Bon allez, soyons fous, je vais prendre Mickaël, allez. Parfait. Hop là, on y va, c'est parti. Mauvaise chance, Mickaël. Mais je me souhaite bonne chance. Même si c'est pas dans le jeu auquel je performe le plus, mais bon. Mais tu es bon partout, Mickaël. Tout le monde le sait. Je sais bien. Allô. Oui, allô, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Comment? Allô. Allô. Oui. Qui parle là? Oui, qui parle là? Allô, vous m'appelez? Allô, vous m'appelez? 24. Ouais, non, 25. J'ai l'écran devant moi. Tu vas pas me. Bah, moi pas... aussi, oui, oui, bon, enfin bon, il y a un moment, il faut que tu t'achètes. T'as un retard, à mon avis, parce que le croc, il est arrivé sur 25. Mais si tu veux perdre ton temps à réécouter, je t'en prie, fais donc. Non, mais c'est pas très grave, ça changera pas grand-chose. Alors, Iliès, 25 secondes, score à battre. 24. Ouais. Bon. Ah, c'est chaud. Hein. Ah, bah, c'est chaud. Mais t'inquiète, hein. C'est faisable. Bah, c'est faisable, évidemment que c'est faisable. Allez, j'espère. Allez, mais quoi qu'il en soit, comme je ne suis pas une mauvaise, forcément mauvais comme Amina, eh bien, je te souhaite bonne chance. Je c'est te souhaite fou. Malgré tout de gagner. Si tu pouvais mourir à l'instant, il se réjouirait. C'est ça, tu parles. On y va. C'est parti. Concentre-toi, sois aimable. Ouais. Et répète bien ce que la personne dit après avoir lancé la conversation. Oui, bon, ça va, il n'est pas débile, hein. Faut le prendre pour un crétin non plus, Amina. Hello. Hello. Oui, hello. Oui, allô. Oui, oui, tu t'écoutes. Oui, oui, je t'écoute. Mais parlez, là. Bah, parlez, là. À qui voulez-vous parler? À qui voulez-vous parler? Arrêtez de répéter, là, puis répondez-moi. Arrêtez de répéter, là, puis répondez-moi. Ok, je vais communiquer avec la police immédiatement pour avoir la paix. Ok, je vais taper avec la police immédiatement, là, pour avoir la paix. Bon, Ilyes, 40 ouais. secondes, bravo, malheureusement, il y a une faute hein, à la 8ème seconde, c'est bien non. malheureux. Ah non, non, non, il s'est planté bien après, il s'est planté à la 28ème. Oui, oui, mais juste avant ça, la 8ème également, hein, d'ailleurs, nous allons réécouter ça, bien évidemment. Oui, et ouais, donc, bah, écoutez, alors ça c'est l'appel d'Ilyes. Écoutez bien, hein, après vous me direz si, si vous entendez quelque chose de correct ou pas. Écoutez bien, écoutez, j'ai calé directement au bon endroit. Oui, oui, tu t'écoutes. Oui, oui, je t'écoute. Donc c'est oui, oui, alors ça ne veut rien dire, hein, je suis d'accord. Hein. Oui, oui, tu s'écoutes. Oui, oui, tu t'écoutes. Oui, oui, je t'écoute. Voilà, on est d'accord, c'est pas la même chose. Écoutons chez moi. Qui parle là? Oui, qui parle là? Qui parle là? Oui, qui parle là? Non, tilt parle, il l'a dit. Qui parle là? Qui parle? Oui, qui parle là? Qui parle? Bon, donc apparemment, Ilyes, tu entends toi? Est-ce que tu reconnais l'erreur ou pas? Bah franchement, l'accent québécois est beaucoup trop sombre pour moi. Hein. Sombre. Non, après je te l'accorde. Ah hein, c'est vrai que c'est compliqué. Le fait qu'il parle bizarrement, bizarrement, avec un accent qui leur est propre. Effectivement, c'est compliqué. Donc, bah, ce que je te propose, sinon Amina va encore gueuler, c'est que nous restions un match nul. On t'offre quand même le cadeau Ilyes parce qu'on n'est pas des salopards, enfin surtout moi. Et puis que tu es impartial, Mickaël. C'est vraiment voilà. beau. Non, bah attends, Toff, est-ce que mais évidemment, Mickaël. Je trouve ça juste. Très bien. Et ben voilà, Ilyes. Bon, tu retentes ta chance quand tu veux, cela dit, d'accord? Ouais, cool. Très bien. Bon, salut Ilyes. En tout cas, tu rappelles quand tu veux, d'accord? Ouais, ouais. Salut. Garde la pêche, hein, gros. À bientôt, comme ça, ouais, grave. Dans ta live. À bientôt, Ilyes. Mickaël. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with the sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and then we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere. We won't drive down to the coast. Jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing. We can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away. Start it to taste. Start a new life together in a different place. Know that love is how all these ideas came to be. So baby, run out. Run away now, run away now, run away now, run away now. on Ice, city with a sun on set. Ouais, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde. Vite avec Slimane dans la playlist Énergie. Ça arrive avec aussi David Guetta. Et on suit le meilleur du Rico Show. Ça 20h tous les soirs en direct. Le Rico Show sur Énergie. Et le matin, pour vous, c'est le meilleur de l'émission. Écoutez. Le podcast du Rico Show. 20h-23h. Sur Énergie. Ça va, mon Léo? Ça roule? Salut l'équipe, ça va? Merci d'être là, mon poulet. T'as fait le 0870 42 48. T'habites Paris. Raconte-moi, Léo, un petit peu ce que tu fais quand t'as pas le moral. Bah écoute, moi j'ai plusieurs solutions. Déjà, j'écoute le son de VG Dream, tu vois. Genre, d'accord. Je reconnais champion du monde. C'est vrai, ouais, il est bon et ça. Il y a de la démarche comme ça. Oh là là. Toi en fait, t'écoutes un peu des sons solaires qui filent la pêche, quoi, c'est ça? Exactement, les trucs tropicaux, tu vois, qui me rappellent le soleil, l'été. Et sinon, bah j'ai aussi. Voilà, allez, allez. Oh là là, Léo il est en forme. Ah ouais. Ok, et ensuite, t'écoutes quoi? C'est quoi ton délire? Sinon, bah, j'ai ma petite meuf, tu vois, je me dis, voilà, des fois, elle m'envoie des petits messages et ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Ah, c'est beau, là, un joli message. Et tu sais quoi le problème, Leonardo, je vais te dire, sur tes chansons que t'écoutes, quand t'écoutes VG Dream, le problème, c'est que derrière, t'as un gros Adèle, quoi. Et derrière, t'as envie de sauter, quoi. Ah, c'est t'as envie de te plomber, tu t'enjailles, puis derrière, tu dis, eux, ils ont ramené la coupe à la maison. Moi, j'ai ramené la poisse. Ça fait du bien, un bon petit message le matin, tu vois, bonne journée, mon chéri. C'est vrai. Non mais c'est vrai, mais quand t'es mal et que t'es en berne, c'est ça dans la exactement, playlist. Exactement, ça donne un putain de boost. Bah ouais, t'as raison, ça. Mais moi je veux qu'on ait une pensée particulière pour Sylvain. Parce que comme c'est dur d'être célibataire en hiver, c'est horrible, mon pauvre. Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Triste. Ah, le célibat en hiver, il est dur. Là t'as profité l'été, tu t'es pas valé. T'as douché sur toutes les gonzesses. Bah quoi? Maintenant qu'elles vont s'emmitoufler, que ça va mettre du gros manteau. Que ça va commencer à avoir mal à la tête. C'est vrai que ça fout pas le moral tout ça. Ces doudounes, ces trucs là. J'en ai marre. Tu sais ce que tu mérites? Une avec des ballerines. Tu vas te marier avec une meuf qui mettra des ballerines à son mariage. C'est tout ce que tu mérites, mon tombeur. Alors, Léo, merci d'être passé, mon poulet. Merci, t'es le meilleur. Je t'embrasse. Bisous, mon Léo. On va prendre Mohamed. Ça va, Mohamed? Ça va, bien et vous? Salut, comment il va, Momo? Il est en bonne forme? Ça va. Momo, il est de flers. Momo, raconte, quand t'as pas le moral, tu fais quoi? Ah bah, moi, quand j'ai pas le moral, je pense toujours à me régaler, je mange bien. Ouais. Voilà, quoi. C'est ça, mange sec, quoi. Tu manges de la bonne bouffe. Oui. Ouais, voilà, problème. C'est tout, j'essaye de varier. Ah ouais, mais après, le problème, c'est que c'est vrai que quand tu. Ouais, tu manges, quoi. C'est vrai que la bouffe, c'est un plaisir, quoi. La raclette, c'est délicieux en hiver. Ah ouais. Oui. C'est vrai, c'est la seule fois où elle mange de la claquille, ça. J'aime. La fondue et tout, c'est trop bon. Ouais. Et en plus, voilà, tu vois, tu mets des vêtements amples, comme ça, on voit pas ton bide. Ouais. Ça, c'est bon pour l'hiver. Tu par contre, l'hiver, au mois d'avril, quand il y a rayon de soleil. Ah, c'est fini. J'ai passé un mois d'avril terrible. Le mec se confie, tu sais, ça va pas du tout. Non, mais c'est vrai, la bouffe, c'est sympa, il a raison, moi-même. C'est primordial, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'adore cuisiner. D'ailleurs, je vais organiser un banquet dans pas longtemps, je vous inviterai. Je te jure, j'y pensais ce week-end. Mohamed peut venir? Bah, avec plaisir, parce qu'il sait se tenir. Mais je réfléchissais à vous inviter, je te jure. Dans ma tête, j'avais peur de t'inviter, toi, Rico et Sylvain. Oh, bah écoute, parce qu'il y aura ton père. Il va falloir que je sois allé, donc. Ah, ouais, ah oui, bah Mohamed, tu bouges pas, on va prendre ton adresse et Mohamed va venir. Avec plaisir. D'accord? Avec plaisir, je m'y engage. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mehdi t'en voudra pas. Ah bah pas du tout. Tu sais, on en a plein des Mohamed dans la famille. Hein. Ah hey. Tu pourras dire que c'est un cousin. Voilà. Elle est con celle-là, Sylvain. Non mais tu nous invites, mais faut raquer ou pas derrière? Mais moi je suis pas toi, hein. Tu raques pas, tu viens, ah, tu manges, voilà. Tu t'assois. Là ça me fout. Ça me fout. Mohamed, t'as vu, tu peux venir les mains vides, hein. C'est tranquille. Ah bah c'est bien alors. Écoute, on viendra à l'ancienne. Il est fort, Sylvain, quand même. Sarah, elle est vite et il trouve encore le moyen de râler pour savoir s'il faut ramener un truc. Il est terrible, c'est le pire. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends.

Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, on est vendredi aujourd'hui. Oui, le week-end ce soir, enfin officiellement pour tout le monde. Ce sera cool, on va se faire George Ezra là, dans un pays Énergie, Big Flo et Oli aussi. Et le meilleur de Koé, 17h, 20h chaque après-midi sur Énergie. Il y aura nouveau jusqu'à 10 000 euros à gagner hein, tout à l'heure dans le Cash Cash Énergie chez Koé. Voilà, vous inscrivez, vous envoyez Koé au 7-10-12. En attendant, c'est le meilleur de l'émission sur Énergie. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Est-ce que vous avez peur des histoires d'Halloween? Je sais que des fois, les filles, elles aiment bien se mettre dans la pénombre, se raconter des histoires, souvent quand on est ado. On se raconte des histoires et ça fait peur. On dit, oh, j'ai pas pu dormir après. Non. C'est ouf. Non. Pas trop. Non. Alors, vous savez qu'on s'est rendu compte qu'Halloween, c'est surtout l'ambiance qui est importante. Oui. C'est ça qui change tout. Par exemple, prenons une musique normale et je vous raconte une histoire réelle. Vous me dites si vous avez peur. D'accord. Le soir d'Halloween, le 31 octobre 2004, 5 jeunes filles qui vivent en colocation vont se coucher. 2 montent à l'étage et la 3e dort au rez-de-chaussée. Vers 1h du matin, elle entend des bruits de lutte et des cris à l'étage. Elle file se planquer dans le jardin terrifiée. Après avoir entendu quelqu'un s'enfuir, elle monte et découvre ses 2 colocataires sauvagement poignardés. Il y a du sang partout. Le coupable n'est autre que le fiancé d'une amie, d'une de ses colocatrices, jaloux de la relation de sa promise entretenue avec cette dernière. Il écopera d'une peine à perpétuité. Ouais. Moyennement peur. Ouais, ouais, ouais. Si je raconte une histoire terrifiante, mais en version sitcom. Le 31 octobre 1957, c'est le soir d'Halloween. Peter Fabiano fut assassiné par sa femme devant le porche de sa maison. Le coupable était l'ancienne amante de Peter. Elle pensait qu'en se déguisant, personne ne la reconnaîtrait. Donc Peter meurt dans les bras de sa femme, dans l'ambulance. Et la tueuse est retrouvée et part en prison. Très bonne vanne. Bravo, bravo. Eh, ça change tout, ça fait plus flipper. Et si on se prend une ambiance terrible, mais qu'on rajoute un accent? Si je prends l'accent de chez moi, la Picardie. Vas-y. Et soir d'Halloween en 93. Pardon. Tout le monde s'en souvient à Posadena. Il y a des membres d'un gang, des Bloods, qui attendent cachés dans des buissons, qu'un membre d'un gang adverse passe parce qu'ils le soupçonnent d'un assassinat de l'un de leurs copains. Oh, vache. Bref, un groupe arrive, le gang des Bloods sort du buisson, ils tirent sur tout le monde avec leurs pistolets. Oh, le ravage qu'ils ont foutu là-dedans. Le brin qu'ils ont mis. Ils en tuent 3, ils en blessent 3. Ben, c'est pas de chance. Ils sont trempés. Ils ont tué des jeunes qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. Merde. Eh ben, ça fait pas flipper non plus. Non, non, non, non, non, non plus. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, guys like me, so now. enfants des villes, ou enfants des foins. On se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer sa moncelle dans nos valises, c'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Vendredi 2 novembre sur Énergie. Bon réveil tout le monde. J'espère que ça va ce matin. Ouais, alors oui, il y a certains qui font pont. Et puis bah, il y a vous là qui vous réveillez tranquillou. Pour aller au taf, peut-être, courage. On se fait Big Flo et Oli dans la playlist Énergie. Maroon 5 et Cardi B et le meilleur de Mickaël. 23h tous les soirs en direct sur Énergie et le matin en best-of. Nous avons donc Roger qui est de retour. Allô Roger. Ah non, Samy, pardon. Allô Samy. Oui. Bon, Samy, from Paris. Oui. Oui, il y a quelques semaines, ça s'est terminé avec ma copine, mon ex. Ah, elle a bien de la chance. Ouais, et donc, du coup, je me suis mis sur Tinder. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ça ne marche pas. Et donc, du coup, j'ai besoin de conseils. Bah, change de photo, change de manière de parler, change de. J'en sais rien, moi. Mais non, mais attends, Samy, je sais pas moi, qu'est-ce que t'as mis comme photo ? Il y a plein de raisons. C'est pas Tinder j'ai le problème. J'ai mis une photo de ma bite, je comprends pas. Non, mais attends, il y a plein de gens qui sont sur Tinder, ça marche très bien. Donc si ça fonctionne pas chez toi, c'est qu'il y a un problème de profil, il y a un problème de photo, il y a un problème de quelque chose. Bah, si tu veux, quand il y a des matchs, c'est soit des meufs de l'Est, soit des trans, soit des. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais t'es sur quel Tinder là ? Tu t'es pas trompé ? Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelques escortes, on m'a raconté ça. Ouais. Ah ouais ? Non mais ouais, exactement. Non mais quelques escortes, d'accord, mais enfin ça reste quand même relativement rare. Et comme par hasard, Samy il tombe sur toutes les escortes. Est-ce qu'il y a des gens avec qui Tinder ça marche et tu aurais des conseils enfin, Kinder. Cas, Kinder. Ah mais c'est Kinder t'es en fait. Kinder toi. Ah bah t'es oui, c'est ça. Mais ça c'est un truc d'escorte, hein, c'est normal. Ouais. T'es sur quoi ? Tinder ou Kinder ? Tinder. Et Grindr c'est que des mecs, enfin. Kinder. Ouais. Ah, ouais. Ça c'est autre chose encore. Ouais, c'est différent effectivement. Non, c'est Tinder. Et en plus, j'ai le Tinder Gold. Enfin, t'as pris le package. Rassure-moi, t'as payé pour tout ça. Bah oui, c'est payant, bien sûr. 57€ les 6 mois. Combien ? 57€ les 6 mois. Ah oui, tout ça pour même pas pécho, ça fait cher. Ouais, franchement, t'aurais mieux fait d'appeler une call girl, ça aurait coûté moins cher. Non mais alors moi j'ai des conseils parce que je suis quand même l'expert de Tinder. Mais Samy, alors est-ce que tu peux nous lire ta description? Parce qu'à mon avis, c'est voilà, quelle est la description, Samy? Attends, je vais sur l'application. Vas-y, vas-y. Mais sois franc, hein, sois honnête, hein, commence pas à changer en dernière seconde. Hein. Parce que pour toute la vérité, moi qui passe mes journées là-dessus, il y a des descriptions, laisse tomber. Hein. Mais t'as vu celle de Samy ou pas? Non, bah non, on n'a pas matché avec Samy, avec tout le respect que je te dois. Ouais, mais t'aurais pu voir sa photo passer. Bah oui. Non, j'ai pas vu passer. Non. Bah attends, parce que pour le coup, j'ai jamais utilisé Tinder, je n'ai pas besoin. C'est normal, tu es tellement parfait, Mickaël. Toi, tu claques des doigts, elles tombent toutes comme des mouches. Bah oui. Imagine, Samy était à moins de 8 km. Tu peux pas aller le chercher. Ah non, non, non. En fait, ça me met des gens autour par rapport à mon truc. Moi, par exemple, mon seul champ de recherche, c'est. Gros à, sexe. À 8 ah non, pardon. Et entre, je crois que j'ai mis 26-35 ans, un truc comme ça. Donc déjà, ça a mis minimum 100K, des blinds. Il a pas la trapasse, tu vois. Ah, les bâtards, 100K, tu veux. 100K par mois, bien sûr. Évidemment, à la base. Minimum. Ah, bah attends, et forcément, il y a un moment, il y a un train de vie à continuer. Tu crois. À démarrer, ce serait déjà pas mal. Ouais, à démarrer, ouais. Bon, et donc, du coup, Samy, alors, c'est quoi le profil? Vas-y, je te dis. Donc, j'aime découvrir, être surpris, faire découvrir et surprendre. Généreux, sincère, doux. Mais arrête-toi là. La meuf, elle a déjà lâché l'affaire. Mais oui, et puis surtout, elle a vu que t'étais un mytho. Bah non, justement. Mais non. Franchement, moi, je trouve que ça fait truc de cul parce que t'as plein de mecs comme ça qui mettent des trucs genre je suis ouvert et généreux. Si tu aimes le shopping, tu vois. En fait, c'est des mecs qui veulent te payer pour être des soumis, des trucs bizarres. Non! C'est pas fini, Amina, parce que du coup. Ah, c'est pas fini, parce qu'il y a encore beaucoup à lire. Ah oui, j'ai fait 4 pages. Bah, un peu, tu vois, je vais pas mettre le truc à l'arrache. Bah, si. Donc, du coup, j'ai mis goût pour la littérature, l'histoire. Oh là là. Mais c'est vrai, ça. Tinder, mec, t'es pas dans une bibliothèque. Oui, la meuf, elle s'en bat les yeux que tu t'aimes lire ou que tu vas dans les musées. Dis-lui la vérité, j'ai une grosse bite et j'ai envie de te pécho. Oh. Oh. Oh. Hey, écoute l'autre, c'est autre. Non, bon. J'avoue que ça fait le mec bizarre, pardon. Ouais, franchement. Mais non, mais en fait, la meuf, elle va lire la première phrase, la deuxième, elle est saoulée, la troisième, elle t'a déjà jarté. Donc, bah oui. C'est dans ta première phrase qu'il faut que tu sois bon. Mais non, il faut une phrase. En fait, c'est pas plus court que tu dois faire, c'est change tout, mec. Tu mets juste une phrase concise, et voilà, où tu dis un truc, tu vois. C'est une femme like you, tu vois, un truc comme ça. Oh là là, la lourdeur encore avec sa femme like you, l'autre. De quoi? Mais non, non, non, non. Surtout pas une citation, ça c'est le pire. Ah, une citation. Ou alors tu cites Tof. Voilà, cite des trucs intéressants. Ah, attends, t'es d'accord avec. Il y a deux secondes, tu dis je vais faire une citation. Amina dit ah non, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Attends. Il faut que tu mettes une phrase d'accroche. Et après, tu peux mettre deux, trois petits trucs en dessous. Voilà, si la meuf elle est intéressée, mais des trucs faciles à comprendre, tu vois. J'aime pas. Basta. C'est toujours les mêmes trucs, hein. Le cinéma, la radio. Non, mais on s'en fout. Elle s'en tape, la meuf, que t'aimes la radio. C'est ça. De toute façon, la meuf, en vrai, le truc qui va l'intéresser, c'est les 4 premières phrases que tu vas lui dire, quand tu vas prendre contact. Et autant dire qu'il y a du travail. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Riding shotgun underneath the hot sun.

Parce qu'on serait 6. Non. Non, on n'a pas de... Bah, ce serait des chambres séparées. Alors, attendez, je vais voir si ça dérange pas. Khadija ? Khadija, c'est pas une suite. Hein. Attendez, bah, je vais vous la passer, attendez. C'est pas des suites, Khadija. C'est pas des suites. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Si pas des suites que vous avez, on m'avait dit que c'était des suites. Alors, on a des chambres familiales pour 4 personnes. Pour 4, alors on prend... deux grands lits dedans. Ouais. Alors, on prend 4 personnes, c'est pas un... Momo, ils ont les 4 personnes, c'est bon, pour les deux. Attendez, 2 secondes, je vous le pas. C'est pour quelle date, vous m'avez dit ? Oui, bonjour, excusez-moi. Alors, vous avez eu mes nièces au téléphone, ce serait pour du 3 au 9 décembre. S'il vous plaît. Oui, je vais regarder. Merci. Aya, donne-moi le téléphone. Aya, tu me donnes le téléphone. C'est qui au téléphone, madame ? Allô ? Oui ? Oui, c'est pour la réservation ? Oui, mais je voudrais avoir au moins une personne. Ah, alors avoir attendez. Toute la famille, s'il ah, vous pardon, plaît. Excusez-moi. Malika ! Malika ! Oui, excusez-moi, madame. Alors, le 3 au 9 décembre. Alors, deux chambres de 4 personnes. Hein. Ce sera que des adultes dans les chambres ? Non, il y aura une petite fille aussi, mais attendez, je vais lui demander. Radouche ! Radouche ! Tu viens, Maya Himara ! Attends. Ouais, madame. Combien il y aura d'adultes ouais, et combien ouais, il y aura ouais madame, vas-y, je vais venir moi aussi. Et là, vous avez mes tantes au téléphone, vous mettez, il y aura deux adultes, deux enfants dans une chambre et deux autres adultes et un autre enfant dans une brochure. Donc ça fait 4 adultes et 3 enfants. Voilà, c'est ça. Il y a le petit-déj ou pas ? C'est en plus. Frère, vas-y, mets-moi le petit-déj. Vas-y, on part sur le petit-déj. On a foutu. J'ai du zéro. L'âge des enfants, s'il vous plaît. Comment ? L'âge des enfants. Alors là, il y aura un. Attendez. Elle a quel âge, ta ? Elle a quel âge, la petite peu ? Vas-y, viens. Viens ! Oui, madame, j'ai 5 ans. Voilà. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Ouais, elle a 5 ans. Vous m'avez dit, c'est de quelle date à quelle date ? Du 3 au 9 décembre, frère. C'est bon ? 5 ans Mamie. Et l'autre enfant ? Attends. 3 ans. Mamie, baisse. Tiens. Attendez 2 secondes. Hé ! Calme-toi ! Ah non, excusez-moi, je reprends la conversation, je vous ai entendu parler avec mon petit-fils. Alors, c'est bon pour la réservation, il vous faut une carte bleue ? Non, c'est pas bon, parce que là, j'arrive pas à savoir ce que vous voulez. Vous me passez 36 000 personnes. Mais excusez-moi, nous sommes en réunion de famille, madame, alors ce sera du 3 au 9 décembre. Excusez-moi, je garde le téléphone, c'est vrai que c'est la réunion de famille ce soir pour ce voyage qu'on attend depuis au moins 2 mois. Donc soyez conciliante un minimum, s'il vous plaît. Oui, mais moi, il me faut qu'une personne. Il y a 36 oui, mais personnes. Écoutez, c'est comme ça chez nous. On dit la famille. Que voulez-vous ? Bravo, Sarah ! Ouais elle a placé 8 voix. Oh, moi, je joue pas. Moi, je joue pas après ça. Je joue pas. Les gars, j'essaye d'y aller au Mastic ou pas ? Vas-y, toi, tu es bon. Elle a fait 1001 voix presque. Ah ouais. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Comes falling down for you. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Sometimes I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you pas trop dur ce matin, bon courage pour le réveil, c'est Cédric sur Énergie, comme chaque matin jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu dans 6-9 sur Énergie, ça c'est pour attaquer la journée et lui c'est pour la terminer. Coé, 17h-20h toutes les après-midi sur Énergie pour vous, là on se fait le meilleur de l'émission et derrière on se fait la playlist Énergie, bon réveil. 17h-20h c'est Coé sur Énergie. On commence par la droite. Ah bah il était là notre ami Benji hier soir. Et dès que je dis on passe à côté, on enchaîne. Marseillaise. Patrie. T'es à fond au niveau du volume? Ou faut que je change des piles? T'es comment? Tu sais, il y a une paroi à côté de toi, mais il n'y a pas de voisin. Tu peux crier fort. Hein. Tu vois, tu peux y aller. Vas-y, on reprend. Elle a soufflé. Allez, on reprend. 3, 4, Marseillaise. Allons, enfants. Arrête, oui, c'est vrai. Arrête. Arrête. On a ta copine à côté. Il va y avoir une exclusion définitive dans 30 secondes. Hein. Sa pote, elle a honte. Marseillaise, on y va. Allez. La motive. Allez. On a comment? Non, le début. Le début. Allons, enfants de la patrie. Mais plus ça va, mais on entend. Oui, c'est elle chante, au fond d'elle, c'est une discothèque. Mais extérieur. Ils ont coupé le volume à l'extérieur pour les voisins. Qu'est-ce qui se passe? En plus, elle a fait 4 ans de chorale, apparemment. Bon, à côté, allez, hop. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. À côté. Je connais pas la suite. Hein. Allez, wow. Enchaîne, on enchaîne, même si vous essayez. Contre nous. Allez. Ouais. Mais vas-y. Mais tu y es. Mais tu connais pas du tout la suite. Mais non. T'as jamais entendu parler? Ah bah si quand même. Mais bah alors, où habites-tu? Essaie. Où habites-tu? Bah pas là. Vous regardez pas le foot? Non mais même si on parlait de ça. Mais vous avez jamais fait la guerre, bordel. Vous êtes pas français. Ce surtout ça. You are not French. C'est ça. C'est ça. Mais c'est l'hymne de ton pays. L'hymne national, quand même. Oh, la République, c'est moi. Je suis choqué. Ah, mais je suis choqué. On bascule, on reprend depuis le début pour la peine. Non. Allez, on y va. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Attendez. L'étendard. Non, non. Au bout de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Continue. L'étendard sanglant élevé. Attendez. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Derrière. Aux armes citoyens. T'es à fond toi aussi là. Formez. En stéréo avec la première demoiselle. Formez vos bataillons. C'est très bien. Maintenant que nous avons tout ça, nous revenons vers la demoiselle qui avait aucune idée. On reprend depuis le début. Allez, on y va. Allez, 3, 4. Allons au vent de la patrie. Vas-y. Jour de gloire. C'est pas les bons mots, c'est pas grave. Et t'es arrivé. Contre nous de la tyrannie. Après, je sais plus. Arrête de caresser tes cheveux, ça donnera pas d'intelligence. Puis tout à l'heure, elle tire dessus là. Elle va pousser plus vite. Je sais pas, elle tire sur ses cheveux. Genre, j'ai pas dit, je vais. Peut-être que ça va venir comme ça. Je sais pas. J'ai les paroles sur les cheveux. Je sais pas, je vais peut-être faire secouer mon cerveau. Je sais pas. J'ai vu ça dans les églises. Je sais pas, peut-être que ça va m'actionner ce qu'il y a en haut. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit, je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Elle voudrait m'emprisonner. Ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, c'est sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime. Mais je suis sonné, ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Sonné. Mon cœur est sous-zélé, donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil, pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, c'est sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné.

Aujourd'hui, on est le 2 novembre. J'espère que tout va bien. On va écouter Drake et Imagine Dragons pour la suite. Imagine Dragons nommé au Energy Music Awards. Vous votez, hein, energy.fr, voilà, à fond pendant encore tout le week-end. Imagine Dragons dans moins de 3 minutes. Et jusqu'à 9h30, c'est le meilleur de l'émission. Aussi le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il y a des fois dans la vie où il faut savoir dire merci. C'est vrai, ouais. Manu, c'est et vrai. Et tous les jeudis, ouais, on le fait à un, ouais, moment dans l'émission. C'est jeudi, on dit merci. À qui voulez-vous dire merci? On envoie les bonnes ondes. Isabelle. Merci à ma pote qui m'a offert carrément son sac à main, le sien, celui que je trouvais trop beau. Et à chaque fois qu'elle le portait, je disais, oh, il est trop beau, ton sac, il est trop beau. Et ben, elle me l'a offert. Waouh, wow. C'est cool. C'est pas, merci, le truc qui est derrière toi, ça, c'est un sac de tennis? Non, c'est lui, là, c'est celui que j'ai tous les matins, mon trop beau gros sac que j'adore. Elle me l'a donné. Voilà. Ah. Non, c'est, vous ne le voyez pas, c'est un sac à paillettes. Ouais, j'adore. Alors, tu sais quoi, je, oui, suis pas ultra fan, mais je trouve que c'est très pratique. Si tu tombes en panne sur l'autoroute, t'as pas besoin du gilet jaune. Quel lourdeau. À qui voulez-vous dire merci aujourd'hui, Nico? À Paulette. Merci à Paulette. Budget. Ouais, une fois n'est pas coutume. Parce qu'en fait, j'ai un nouveau jean et elle m'a averti que j'avais oublié d'enlever l'étiquette avec le prix. Ben oui, ah, je l'ai acheté hier, je voulais absolument le mettre et voilà. Je ne sais pas qui passe sa journée comme ça. Et elle nous sauve la vie des fois. Ouais. Aurélie, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie. À qui tu veux dire merci? Merci. Eh bien, je voulais dire merci à mon collègue Anthony qui m'a couvert quand je suis arrivée en retard au boulot. Wow. Oh, voilà. Tu fais quoi comme travail, Aurélie? Je suis aide-soignante. Ah oui. C'est quand même dommage d'arriver au boulot. On a un problème avec la chambre. On a un problème avec la chambre 326. À 7h, c'était impératif de lui donner les cachets. Et bon, bah du coup, elle est. Ouais. Quelqu'un est arrivé en retard? Non. Vraiment, aujourd'hui, là, tout le monde était à l'heure. On lui a donné ses cachets, mais je sais pas pourquoi elle a pas dû les prendre. Rassure-nous. Ouais. Et il y a des boulots comme ça, faut pas être en retard. Et puis surtout, ça se voit. Nous, par exemple, si on est en retard, ça se voit tout de suite. Ouais, ouais. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Aurélie. Il y a Fabio sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9 qui dit merci à mon pote de m'avoir laissé gagner notre match de basket pour que j'impressionne la fille qui nous regardait. Ouais. Ça, c'est, ouais, cool. Ça, c'est de l'amitié. Alors, ça, merci. Ouais. Merci. Vous voulez dire merci, Glandu? Merci à Christian de l'accueil du tennis. Il m'a offert 4 balles qu'il avait retrouvées sur le court, 4 balles usagées, et il me les a offertes. Ça dépanne. Non, mais c'est pas en très bon état, mais ça aide. Oui, c'est ça. C'est... Ouais. Il connaît ton niveau, quoi. Il t'a dit, bah lui, il s'amusera avec des balles usagées. Oh, ça, c'est rigolo. Hey. Merci, Christian. Tu connais l'histoire au départ? Il voulait t'offrir des pommes de pin. Non, quand même pas. On a Léane au téléphone. Bonjour, Léane. Coucou les wouah. Bienvenue sur LRG. À qui veux-tu dire merci? Eh ben, je voudrais dire merci à Nicole, c'est ma voisine en fait, et elle m'a prêté son robot aspirateur pendant un mois et demi parce que j'avais tout le pied et la jambe dans le plâtre, et du coup je pouvais pas faire le ménage et ça m'a vachement dépanné. Merci. C'est le robot aspirateur, le robot rond qui marche tout seul là. Ouais. Oh, c'est sympa. Génial, ouais, c'est trop sympa. Bien, ça. Oh là là, les robots. Merci au créateur aussi, hein, du coup. Lui aussi. Merci de nous avoir appelé, Léane. On se dit merci, c'est jeudi. Paulette. Merci à ma sœur d'amour d'avoir géré le cadeau d'anniversaire de mon papa, j'avais complètement zappé. Elle m'a même rajouté sur la carte. Mais non, oh, ouais, c'est bien. Elle est trop mignonne. Et elle attend que tu lui donnes un peu d'argent pour te dire merci. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Cause you're a natural.

another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. J'espère que tout va bien ce matin, c'est Cédric sur Énergie. Bonjour, bonjour, j'en suis à mon 16e café, bon, ça roule. On est vendredi aujourd'hui, on est le 2 novembre. Voilà, tout le monde fait pas le pont. On est avec vous ce matin, Aya Nakamura, ça c'est la suite. Elle est nommée pour l'Energy Music Awards, votez energy.fr. Aya Nakamura, Dean Lewis, et jusqu'à 9h30, c'est le best-of. Voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Qu'est-ce que vous faites pour sauver le monde? Et là vous dites, mais quelle est cette question? Non, quels sont les petits trucs que vous faites au quotidien? Ouais. Vous vous dites, ah, en faisant ça, ce petit truc, eh ben je sauve le monde à mon niveau. 0 870 42 48 ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Manon qui dit, j'ai acheté une lampe torche à manivelle rechargeable, fini les piles. Wow. Ah oui, pas mal. Ah ouais. Tu sauves le monde à ton niveau, ouais. Tu vois rien. Ouais. Ouais. Je vois très bien le truc dont elle parle. Hein. Ouais. Ça n'éclaire rien. Hein. Ouais, parce qu'il faut tourner la manivelle en même temps que tu vises. Et c'est très compliqué. Ah ouais, c'est... Et puis, j'en ai une. Il y a un moment, ça te fait une tendinite au bras. Ouais, mais tu sauves le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour sauver le monde à votre niveau, Paulette? J'ai pas mon permis. Hein? Donc, je lutte contre la pollution et le danger probable de tuer des gens. Ah, ouais. Ah ouais, merci. Effectivement. Merci, ouais, ouais. C'est pas mal. Paulette, ouais, elle arrive à retourner un truc en fait chelou en un truc positif. C'est ça. Et surtout, elle réussit à dire je sauve le monde sans rien faire. C'est fort. J'ai pas mon permis. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça, bah ouais, ça, y a des gens qui sont en vie grâce à toi, du coup. Ouais. En quoi sauvez-vous le monde? On a Vanessa avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour Manu, bonjour les Wawa. Salut. Alors moi j'achète tous mes jeux vidéo en téléchargement. Pas de boîte, pas de gâchis. Ah c'est bien. Ah cool. Parce que ah, les ouais, jeux vidéo aujourd'hui sur ta console, tu peux télécharger directement. Ouais. Sur console, sur PC. Avant c'était des boîtes, du plastique, ouais, etc. Après t'as le côté collection comme une bibliothèque. Tu sais où tu mets tous tes jeux vidéo alignés comme ça. Mmh. Ouais, alors pour l'avoir fait ça, ouais, c'est les gens te jugent. Hein. Ah ouais. Ah oui, ils disent il a débordé. Non mais quand t'as une bibliothèque et qu'au lieu des livres, t'as que des jeux vidéo, ouais, franchement les gens te prennent pour un neuneu. Et un jour j'ai fait ok, je vais tout mettre dans un carton. Merci de nous avoir appelé Vanessa. Qu'est-ce que vous faites pour sauver le monde à votre niveau, Nico? Moi j'utilise un moteur de recherche écolo. Ça s'appelle Ecosia en fait. Et plus tu fais des recherches, plus ils plantent des arbres. Et comment ils font? Bah en fait, toi quand tu fais des recherches, ça fait apparemment tourner des machines chez eux. Tu vois, ils ont un centre de data, de machin, etc. Et du coup, bah eux, ça produit de l'énergie. Et ça leur permet de planter des arbres ensuite. Ah, mais je vais le faire, moi. Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est bien. Et t'as les mêmes résultats que sur Google, hein, globalement. Ecosia. Oh, c'est bien. Ouais, c'est cool. Mal. Oh, félicitations. Tu t'assures. Ouais. Ah, il devrait faire un YouPorn écolo. Oh non. Tu sais que ça cartonnerait. Hey, oh non, mais je, excusez-moi, je viens de lancer une vraie idée là. C'est génial. Ouais. Parce que non, mais faut pas se leurrer, hein, c'est 95% du trafic internet aujourd'hui, ah c'est ouais. YouPorn. Ouais. Ah non, c'est à peu près. C'est fou. Ah, non, mais on est, ouais. Franchement, ouais. Et ben, tu fais la même chose que ton site. C'est génial. À chaque fois que les gens regardent une vidéo, tu fais pousser un arbre. Oh, c'est pas mal ça. Oh, oui, ta nana, elle arrive. Toi, t'es là. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, je fais pousser un arbre. La forêt dans le salon, quoi. Oh, non, on va repeupler la forêt amazonienne. Bravo, bravo. C'est fort. Oh là là là. Qu'est-ce que vous faites pour sauver le monde? Il y a Gwendoline sur Twitter avec le hashtag Manu dans le site 9 qui dit: je mets tous les bouchons de bouteilles de côté pour ensuite les recycler. Ah, ah c'est ouais, bien ça. On est copines de bouchons de, tu fais ça, de ouais. bouteilles, Gwendoline. Ah, toi, t'es taré avec ça, quoi. C'est que tu les récupères partout. Oui. Mais moi, quand je pars de la radio qu'il y a des bouchons, je les prends et pour chez moi pour les remettre dans le truc à recyclage. Ouais, ouais. C'est bien. Ouais, ouais, mais c'est mon petit truc à moi. Tu fais pas ça au supermarché, ça, que tu dévises pas toutes les bouteilles. Non, non, c'est bon. Christophe, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur LRJ. Qu'est-ce que tu fais pour sauver le monde à ton niveau? Bah, moi, j'offre les habits de mes filles qu'elles ne portent plus. Je les offre à des amis ou à des associations. C'est vachement bien, c'est ça. Bien. C'est cool. Aussi, cool, cool. Ça, c'est bien. Eh ben, bravo, Christophe. Ouais. Isa, qu'est-ce que tu fais pour sauver le monde à ton niveau? Aucun, mais jamais, mais aucun aérosol ne rentre chez moi. C'est-à-dire que si tu veux que ça sente bon, tu aères, tu ouvres les fenêtres et l'air est pur dans la maison. Mmh. Ça va être sympa le repas de Noël. Ouais. Avec la raclette. On a un peu froid là, en fait, pour l'aération quand même. On dirait que t'es venu manger à la maison, dis donc. Oui, ça a l'air très sympa. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Elle a pas pu mais qui bazar. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen. En katana, baby, tu dettes ça, d'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. C'est tout frais dans la playlist Énergie. My friend said, I know you love her, but it's over, mate. Let her go, it'll be alright. Dean Lewis. It's music only. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made

m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance now, I can't move on. Oh my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Baby, my yade, go, baby girl, so. Me go make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, j'espère que tout va bien ce matin. Bon, et courage, hein, si vous bossez aujourd'hui, la fin de semaine approche, c'est pour ce soir en fait, on est vendredi. Bon, écoutez, Alvaro Soler dans la playlist Énergie, et vous le retrouverez jusqu'à 9h30 encore en mode best-of là pour vous ce matin, c'est tous les meilleurs moments. Voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Régulièrement, on parle de super pouvoirs qu'on pourrait avoir. Oui. C'est vraiment une question un peu classique. Ouais. Eh bien, selon une nouvelle étude, j'ai celui au contraire que les gens voudraient le moins avoir. Ah d'accord. Ouais. Le super pouvoir qu'ils aimeraient vraiment pas avoir, c'est lire dans les pensées. Parce qu'en fait, à choisir, les gens n'aimeraient pas savoir ce que les autres pensent vraiment d'eux. Ah, je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui. D'où ma question, quel super pouvoir vous n'aimeriez vraiment pas avoir? Ok. Moi, je vous le dis, c'est une super force. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'après, tout le monde t'appelle pour les déménagements. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, mais t'aimes pas ça, hein. Ah non, j'aime pas ça. Quel super pouvoir vous n'aimeriez pas avoir, Nico? Voir à travers les vêtements. Ah bon? En famille, ça doit être chaud, les gars. Ah, en repas de famille. Ah ouais, non, ouais. Grand-mère, ne passe pas loin à côté de toi. Non, grand-maman, non. Ouais, je comprends, effectivement. Ouais, c'est vrai. Quel super pouvoir vous n'aimeriez pas avoir, Paulette? Le super pouvoir de transformer les gens. Transformer en autre chose. En ce que tu veux en fait, tu choisis. Mais je sais pas, t'es avec un pote, il t'énerve, tu le transformes en crapaud. Mmh. Après t'es dégoûté parce que tu le re-aimes bien, tu te dis t'es quand même sympa, tu vas boire un verre avec un crapaud. Non. Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est chiant. Du coup, en plus, le super pouvoir, ce serait que de transformer les gens une fois. Oui, c'est ça. Tu peux pas revenir en arrière après. Mais non, c'est foutu. Ouais, c'est compliqué. Non, je comprends. Effectivement. Seb, bonjour. Salut Manu, salut Womar. Bienvenue sur Énergie. Seb, si tu pouvais avoir un super pouvoir. Non, si tu pouvais, pardon, ne pas avoir un super pouvoir, celui que tu n'aimerais pas avoir, ce serait quoi et pourquoi? Eh ben écoute, moi j'aimerais pas être comme Wolverine avec ses griffes en acier. Parce que imagine-toi pendant un câlin que tes griffes elles sortent, je veux pas imaginer la suite. Oh là là, ouais. Bah ouais. Même tout seul, hein, ouais, les hommes. Oh merde. Comment je vais expliquer ça? Ça va chérie? Oui, tout va bien. Oui. Mais saucisson là. Je comprends, Seb. Merci de nous avoir appelé. Quel super pouvoir vous n'aimeriez absolument pas avoir, Isabelle? Moi, ça serait le don d'ubiquité, tu vois. Parce que c'est. Bah, tu sais. Ah, tu n'es pas dans mes pensées là. Non, c'est pas ça. C'est que, déjà, il faudrait que j'aie le super pouvoir de savoir exactement ce qu'est le don d'ubiquité. C'est le fait de pouvoir être dans plusieurs endroits en même temps. Mais c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Mais pourquoi t'aimerais pas avoir ça? Et bah parce que c'est crevant, c'est fatigant, c'est horrible. C'est vrai que t'as du mal à être déjà dans un endroit. Ouais. Non, ouais. Sophie, bienvenue. Salut Manu, salut les Wanwan. Quel est le super pouvoir que tu n'aimerais pas avoir? Alors moi, le super pouvoir que j'aimerais pas avoir, c'est pouvoir respirer sous l'eau. Parce que j'ai la phobie des poissons déjà, je déteste aller dans l'eau.